Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous, nous sommes le 4 septembre 2019, voici les grands titres de cette édition. Une famille accuse l'administrateur de la commune Gambarangwe de la province Kirundo d'avoir infligé des coups et blessures à trois filles, dont une est alitée à l'hôpital Mukenge. Cette autorité les aurait battues pour avoir dansé lors de l'ouverture de la permanence du parti CNL dans cette commune. L'intéressé nie ses accusations, vous en saurez davantage dès le début de ce journal. Une centaine de femmes qui vivaient de la mendicité en mairie de Bujumbura seront rapatriées dans leur famille à partir de demain, jeudi. Le secrétaire permanent ministère de la Solidarité précise que des comités locaux ont été créés pour suivre de près ces vulnérables. Un rapport de recherche sur la résilience pour la réconciliation dans la région des Grands Lacs a été présenté ce mardi à Kinshasa. Il en ressort que la paix et la stabilité sur les frontières et à l'intérieur des pays de la région est un des piliers des initiatives positives de la réconciliation. Notre envoyé spécial sera en ligne de Kinshasa. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonjour, une fille est alitée à l'hôpital Mukenge de la commune Gambarangwe. Là, nous sommes en province Kirundo et cela depuis ce lundi. Sa famille dit qu'elle et deux autres filles ont été battues par l'administrateur de la commune Gambarangwe ce lundi. Elle estime que ces filles ont été malmenées pour des raisons politiques et surtout pour avoir chanté lors de l'ouverture de la permanence du parti CNL dans cette commune. L'administrateur de la commune Gambarangwe qualifie ces accusations de montage politique. Eli Nibel Nibigira. Selon des informations en provenance de la colline Butegana de la commune Gambarangwe de la province Kirundo, une convocation a été sortie contre 6 personnes d'une même famille vendredi de la semaine dernière. Les mêmes informations révèlent que certaines de ces filles se seraient opposées aux frais qualifiés de pot de vin contre leur oncle paternel qui, selon elles, étaient illégaux. La famille de ces filles accuse l'administrateur de la commune Gambarangwe d'avoir directement participer à ce passage à tabac de ses propres mains contre ses filles, se rendit alors qu'elle répondait à la convocation qui avait été émise par cette autorité communale. Trois de ses filles ont été sévèrement battues et une d'entre elles se trouve dans un état critique selon leur famille et elle est alitée à l'hôpital Mukenge de la commune Gambarangwe. Cette famille soupçonne que ses filles auraient été victimes d'avoir chanté et dansé lors des cérémonies d'ouverture de la permanence du parti CNL au niveau communal, c'était dimanche. Cette famille, de même que les représentants du parti CNL en commune Gambarangwe et les responsables de ce parti en province Kirundo, demandent que ses filles soient rétablies dans leurs droits. Contactés sur ce sujet, l'administrateur de la commune Gambarangwe a informé la rédaction de la radio Isanganiro que ce serait inexplicable que les gens soient battus dans une place publique comme à la commune. Selon elle, ces filles ont été convoquées pour être interrogées sur le refus de payer les impôts. Febroni Niongabire trouve plutôt qu'il s'agit du montage politique dont elle est victime. Eli Nibel Niwigira. Et les habitants des communes Rugazi et Gihanga de la province Bubanza vont bénéficier d'une assistance de la part de 4 organisations internationales, à savoir le PAM, l'UNICEF, la FAO et le FINUAP. Ces agences onusiennes spécialisées vont intervenir dans un projet de 3 ans dans le domaine agricole, l'augmentation de la production, l'accès au crédit, l'amélioration de la nutrition pour les enfants et autres. Une réunion de lancement officielle de ce projet, qui va coûter plus de 9 millions d'euros, a eu lieu ce mardi à Bubanza. Space Caritas Kabanyana pour les détails. C'est ce mardi qu'on a procédé au lancement officiel du projet de renforcement de la résilience des communautés rurales pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans cette province de Bubanza, un projet qui sera réalisé dans les communes de Rugazi et Gihanga et qui va être mis en application par 4 organisations non gouvernementales, agences des Nations Unies, à savoir l'OPAM, l'UNICEF, la FAO et l'OFINUAP. Selon Cécile Gakima, coordinatrice du projet, les grandes réalisations seront notamment axés sur des activités liées à l'augmentation de la production agricole et la disponibilisation des intrants agricoles, mais aussi par l'apprentissage et la multiplication des semences sélectionnées à travers des champs écoles, l'accès au crédit, l'amélioration de la nutrition, surtout pour les enfants de moins de 5 ans et 9 mois et les femmes enceintes, la cohésion sociale et autres. Au cours de cette semaine, on est en train de cibler les bénéficiaires en collaboration avec tous les partenaires selon la coordinatrice du projet qui va durer 3 ans et qui va coûter plus de 9 millions d'euros. L'Union européenne va contribuer à hauteur de 95% et les 4 agences des Nations Unies à hauteur de 5%. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. Travailler pour la paix, c'est travailler pour le peuple. C'est le point de vue du vice-premier ministre congolais, ministre de l'Intérieur, ce mardi, lors de la restitution du rapport de recherche sur la résilience pour la réconciliation dans la région des Grands Lacs, qui se tient à Kinshasa. La paix et la stabilité sur les frontières et à l'intérieur des pays de la région et selon les participants, un des piliers des initiatives positives de la réconciliation. Notre envoyé spécial, Charles Makoto, suit ses travaux pour la rédaction Isanganiro. Il est en ligne depuis Kinshasa. Pour Basile Olongo, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur en République démocratique du Congo, la région des Grands Lacs est, durant des décennies, soumise à des crises répétitives avec des conséquences dévastatrices sur la population de la région des Grands Lacs. Selon lui, les initiatives de paix dans la région constituent un des piliers de la résilience à la réconciliation. L'exemple des échanges commerciaux entre les peuples de la région et le trafic sur les frontières témoigne selon lui la volonté de la population de vivre ensemble dans la paix. Toutes ces initiatives ne sauraient être durables sans qu'il y ait une solution sur la gestion des réfugiés, la pauvreté dont fait face la majeure partie de la population de la région et l'insécurité sur les frontières, a dit Pascal Barandagiye, ministre burundais de l'Intérieur. Pour lui, la résilience pour la réconciliation doit également s'appuyer sur l'acceptation des pays de vivre essentiellement pour eux-mêmes. Il trouve paradoxal la misère dans laquelle croupisse la grande partie de la population de la région des Grands Lacs et l'immense richesse de son sous-sol. Il propose la gestion rationnelle de ses ressources au profit des citoyens. La gestion de la sécurité commune dans la région est, selon toujours Pascal Barandagiye, une des pistes de consolidation de la résilience à la réconciliation. Sur ce point, Mgr Jean-Luc Kekuye Ndondo, qui a présidé la Commission Vérité et Réconciliation en République démocratique du Congo, indique que les initiatives de la réconciliation passent obligatoirement par le retour de la sécurité sur l'ensemble du territoire de son pays. Le Forum régional sur la résilience à la réconciliation a rassemblé les organisations de la société civile et vend dans les 3 pays sur l'initiative de l'Interpeace en collaboration avec les organisations partenaires des 3 pays, dont le Centre national d'alerte et de prévention de conflits, CENAP et Burundi. De Kinshasa, Charles Makoto pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio. Les concepteurs de textes régissant la loi fiscale devraient envisager des stratégies de communication avec les commerçants pour leur montrer les avantages de payer les taxes. C'est du moins l'avis de l'expert en économie, Jean-Prosper Niyoboke, qui indique que ça pourrait aussi diminuer les fraudes fiscales. C'est après les plaintes de certains commerçants qui disent qu'ils sont doublement taxés. On parle de la fraude fiscale, de la fuite, comme vous voulez. Ce sont des comportements qui ont toujours existé, mais des raisons qui pourront davantage justifier lesquelles fraudes fiscales diffèrent. Donc, d'un individu à l'autre ou d'une dimension à l'autre, les commerçants doivent, à mon niveau, apprendre à aimer, donc sinon à connaître la loi fiscale et à pouvoir aller jusqu'à connaître quels sont les avantages offerts par cette loi. Une loi qui est là, ce n'est pas une sorte de trace. Une loi, c'est pour pouvoir réguler, c'est pour pouvoir, permettre à ce que l'activité commerciale puisse être bien faite, puisse être profitable à tout le monde, spécialement commerce. Alors, à mon niveau, s'il y a un problème, s'il y a la fraude fiscale, soit il y a une pression fiscale qui fait en sorte que les commerçants puissent fuir, éviter de payer le fisc, donc l'impôt en soi, ou soit ces commerçants ne sont pas informés, ne sont pas sensibilisés, civilisés par rapport à la loi fiscale en question. Mais pensez qu'une fois qu'il se mettra à payer l'impôt, il risquerait de perdre. Sinon, là, vous allez trouver la marchandise. Je pense que les textes sont clairs. Et quel devrait être le degré de collaboration entre ces contribuables, pour dire ces commerçants, et ces gens qui conçoivent les textes législatifs? Non, les gens qui conçoivent les textes, c'est clair. Les textes sont conçus, ou la loi elle est mise en place, elle est mise en vigueur en fonction des réalités qui sont là. Normalement, la loi ne devrait pas venir pour être un fardeau, elle devait être là pour permettre la régulation de l'activité en soi. Elle mettra à booster l'activité commerciale. Alors une fois que les commerçants trouvent que cette loi, elle est là pour les bloquer, c'est normal qu'il y ait fric, qu'il y ait fraude. Alors c'est à ce niveau où on devrait réfléchir ensemble avec les commerçants pour arriver à réformer, sinon à corriger les erreurs, sinon à réduire les écarts qui pourront être pressentis comme un fardeau. Également dans l'actualité, 100 familles et de femmes qui mendiaient dans la ville de Bujumbura et celles venues dans la capitale en période de guerre seront rapatriées chez elles ce jeudi, annonce au mercredi du secrétaire permanent au ministère de la Solidarité. Félix Nguendabanyekwa fait savoir qu'ils ont établi des comités dans toutes les communes du pays qui vont suivre de près ces catégories de vulnérables. Les détails avec Ornella Mucho. Dans cette cérémonie de donner les conseils à ces anciennes femmes mendiantes, Félix Nguendabanyekwa, secrétaire permanent au sein du ministère ayant la solidarité dans ses attributions, a indiqué que le ministère est prêt à les intégrer dans leur famille. Effectivement, le ministère viendra en appui pour les différents groupes à travers chaque secteur, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la production agricole, parce que parmi les kits que l'on a donné à ces groupes de femmes et d'hommes, il y a une grande chose qu'on appelle la roue, qui est un outil utilisé pour cultiver. Et comme ça, on devra les accompagner au niveau local pour voir s'ils peuvent être stabilisés au niveau de leur communauté. Selon Donatienne Girgouchaka, chargée de la promotion de la femme, demande à ces femmes de se comporter dignement dans la société. Lorsque vous arriverez chez vous, essayez d'être exemplaire dans la société en travaillant dur. La femme qui ne travaille pas est inutile dans la société. Soyez tranquille, en vivant en harmonie avec les autres que vous allez trouver dans les collines. Le ministère des Droits de l'Homme indique que ces familles recevront quelques moyens financiers qui leur permettront de survivre dans les premiers jours. Merci Ornella Mucho. Retour en province de Kirundo, où le président du parti APDR dans cette province dit avoir été agressé par les militants du parti CNL. Ce mardi, Pascal Barakanfitiye raconte avoir été malmené sur la colline Erguisouri de la commune Vumbi aux environs de 19h. Il explique être victime de ses idées politiques car, dit-il, il fut membre du parti FNL. Ce responsable provincial du parti affirme avoir saisi la justice pour qu'il soit rétabli dans ses droits. Les responsables du parti CNL, que ce soit en commune Vumbi ou en province Kirundo, disent n'être pas au courant de la situation, mais promettent de s'en enquérir. Trois grandes villes de l'Afrique du Sud, dont Pretoria, Johannesburg et le KwaZulu-Natal, sont les plus touchées par les violences basées sur la xénophobie qui se passe actuellement en Afrique du Sud. Zenon Ndayisenga, un Burundais résident à Pretoria, dit que les Noirs de l'Afrique du Sud accusent les étrangers d'être à l'origine de leur situation de chômage. Ce Burundais dit que la seule voie de stopper ces violences est de sanctionner sévèrement leurs auteurs. La cause de cette violence qui se passe actuellement, c'est qu'il y a un chauffeur sud-africain qui a été tué par les Nigériens. Donc, ce chauffeur a été tué parce qu'il était en train d'interdire les Nigériens de ne pas vendre les drogues aux enfants et surtout les élèves. Donc, après un moment, ces Nigériens, on a dit qu'ils ont tué ce chauffeur. Et après, ça a éclaté sous tous les bagarres. Et puis, un jour après tout, l'association des chauffeurs du Sud-Afrique du Sud s'est organisée pour faire une revanche. Puis, ils ont décidé de tuer, mais aussi de massacrer, de voler tous les biens des Nigériens qui se trouvent ici en Afrique du Sud. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des violences contre des étrangers? Si j'ai bonne mémoire, ça s'est aussi passé en 2013, en 2014. Pourquoi ces violences répétitives? C'est répétitif parce que les Sud-Africains toujours ils accusent les étrangers de collaborer avec les Blancs d'ici, tout en sachant que l'économie est possédée par les Blancs. Alors, les Sud-Africains se retrouvent discriminés par les Blancs et les étrangers d'ici, par cette collaboration qui se trouve entre les Blancs et les étrangers. Donc, ils accusent les étrangers de prendre tout comme les travaux. Et alors, qu'est-ce qui doit être fait pour justement arrêter ces violences contre les étrangers? Le président devrait donner l'ordre d'arrêter toute violence qui est contre les étrangers d'ici, et puis aussi punir ceux qui ont été dans ces violences. Voilà, c'était un Burundais qui vit en Afrique du Sud qui témoignait au téléphone de Aubin Niyonguru. Sachez que le président Cyril Ramaphosa est sorti de son silence hier en condamnant les attaques contre les diasporas africaines. Et ces attaques devraient être abordées durant le Forum économique mondial. C'est aujourd'hui d'ailleurs que ce forum s'ouvre dans la ville du Cap avec la présence de 11 présidents de la région qui devraient probablement aborder le sujet de ces attaques xénophobes. Également dans l'actualité, les préparatifs des Inamba Murugamba contre la sélection tanzanienne de football ce mercredi se sont bien déroulés selon le sélectionneur Olivier Niyongeko. C'est un des matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Olivier Niyongeko a indiqué que pour gagner le match contre la Tanzanie, des éléments nouveaux évoluant à l'étranger ont été convoqués pour corriger les erreurs techniques constatées au cours des récentes compétitions. Le coup d'envoi est prévu au stade Inouari, anciennement connu sous le nom du stade Prince Louis Rwagasore. Ce sera à 15h, c'est tout à l'heure. Et pour boucler ce journal en actualité internationale, le Premier ministre Sylvestre Ilunga de la RDC a présenté son programme de gouvernement ce mardi 3 septembre devant 70% des députés que compose l'Assemblée nationale. Et comme tous ses prédécesseurs, Sylvestre Ilunga compte en finir avec les groupes armés dans l'est du pays en allouant plus de moyens aux forces de sécurité, mais aussi assurer la gratuité de l'éducation, les soins de base, offrir l'accès pour tous à l'eau et à l'électricité. Le chef du gouvernement a présenté son programme sans préciser le coût de sa réalisation ni mentionner des mesures précises. Pour financer ce programme, le recours aux partenaires extérieurs est de mise. Mais Sylvestre Ilunga compte sur les recettes qu'il veut faire. Gonfler cela passe, le nuit par le combat contre le détournement des deniers publics, les fuites des capitaux et la corruption. Il a également évoqué le rapatriement des corps de deux figures politiques, le maréchal Mobutu Sese Seko et Moïse Tshombe. Également en actualité africaine, les autorités sanitaires du Libéria ont annoncé une épidémie de fièvre de Lassa qui aurait tué au moins 21 personnes, dont un agent de santé depuis janvier. Le vice-ministre de la Santé et médecin en chef du Libéria, Francis Katé, a déclaré à la BBC que plus de 90 cas avaient été signalés dans tout le pays, mais que 25 dont 21 décès avaient été confirmés à ce jour. La fièvre de Lassa est une maladie virale aiguë d'origine animale ou zoonotique. Elle est endémique dans certaines parties de l'Afrique de l'Ouest, notamment en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée, au Nigeria. Les pays voisins sont également à risque au Libéria et elle se dissémine principalement par les rats et les blattes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les grands titres avant de nous séparer. Une famille accuse l'administrateur de la commune Bwambarangwe de la province Kirundo d'avoir infligé des coups et blessures à trois filles, dont une est alitée à l'hôpital Mukenge. Cette autorité les aurait battues pour avoir chanté et dansé lors de l'ouverture de la permanence du parti CNL dans cette commune. L'intéressé nie ses accusations. Et une centaine de femmes qui vivaient de la mendicité à mairie de Bujumbura seront rapatriées dans leur famille à partir de demain, jeudi. Le secrétaire permanent au ministère de la Solidarité précise que des comités locaux ont été créés pour suivre de près ces vulnérables. Et un rapport de recherche sur la résilience pour la réconciliation dans la région des Grands Lacs a été présenté ce mardi à Kinshasa. Il en ressort que la paix et la stabilité sur les frontières et à l'intérieur des pays de la région est un des piliers des initiatives positives de la réconciliation. Vous avez suivi le reportage de notre envoyé spécial à Kinshasa, Charles Makoto. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal avec intérêt. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Un bon après-midi.